Une semaine après la fin des JO, on revient à froid, on va dire, sur le bilan par pays. Voilà, on va à chaque fois prendre le bilan de tous les athlètes des pays importants du BAD et revenir et donner notre petite note sur ce qu'on en a pensé pour enfin conclure en beauté ces Jeux Olympiques de Tokyo. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de... 21 Shuttle Badminton at its very, very best. My goodness me. I'm the bad guy. Take that! Bonjour à tous, bienvenue sur 21 Shuttle. Je suis comme d'habitude pour cet épisode avec Benoît. Salut Benoît. Salut Ewan, bonjour à tous. Comme je le disais, bilan des jeux. Alors, on a, si vous le savez peut-être, c'est un peu notre retour au format audio puisque là on était plutôt au format vidéo, on a fait des lives tous les jours pendant la durée du BAD aux JO de Tokyo, où chaque jour on débriefait à chaud les événements, on donnait nos pronostics pour les jours d'après. Mais là, ce qu'on va faire, ça va être un peu plus posé et plus, on va dire, c'est peut-être un peu prétentieux, mais réfléchi, on va dire. Est-ce que tu veux expliquer assez rapidement ce qu'on va faire aujourd'hui, Benoît ? Oui, on va revenir, tu l'as dit, plus à froid, en tout cas, avec un peu plus de recul sur ce qui a été fait aux Jeux Olympiques. On va évoquer le bilan pays par pays, enfin les pays majeurs du badminton, enfin ceux qui nous intéressent, et on va tout simplement noter la performance globale de chaque pays. C'est ça, donc on va prendre les pays dans l'ordre alphabétique. Évidemment, on va passer beaucoup de pays parce qu'il y en avait énormément. Donc nous, on va juste prendre les pays, on va dire, les plus importants au niveau du BAD, ceux où on aura des choses à dire. Donc en fait, on va revenir un peu sur le parcours de leurs athlètes. Et à la fin de chaque pays, on donnera chacun une note sur 10. Comme c'est bientôt la rentrée, on s'est mis un peu en mode école. Et donc, donner une note à chacun de ces pays. Et le premier, c'est dans l'ordre alphabétique, donc le premier qui nous intéresse, c'est la Chine. Donc la Chine, leader au classement des médailles du BAD, avec 2 médailles d'or, 4 médailles d'argent. Quoi tu veux commencer au niveau de la Chine ? Est-ce qu'on fait dans les tableaux dans l'ordre ou pas ? De quoi tu veux parler ? Quand je te dis Chine au JO de Tokyo, à quoi tu penses en premier ? Au-delà de parler des tableaux, dont on va évoquer les 6 médaillés évidemment, mais j'ai l'impression que la Chine a maximisé ses athlètes en fait, et que ces 6 médailles, c'est pas le meilleur bilan de l'histoire de la Chine, mais après les 3 médailles de Rio qui étaient le pire, les 6 médailles de Rio, de Tokyo, du coup cette année, j'ai l'impression que c'est vraiment la Chine, elle a maximisé ses chances de médailles, parce que j'ai l'impression qu'ils pouvaient pas faire plus que ça en fait. Je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas, parce qu'à la fois, tu veux dire au début, parce que quand tu regardes la compétition, au final, ils perdent quand même 3 finales. Ils perdent 3 finales où tu te dis, le bilan, il aurait pu être encore beaucoup plus reluisant, tu vois, sur un match, il peut se passer pas mal de choses. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Maintenant, je me dis qu'il y a une seule finale, en fait, où on s'est dit qu'elles étaient passées à côté, c'est le double dames. C'était Chen Jia. Après, en double homme, on s'est pas vraiment dit ça. En mixte, y a une paire il y avait 2 paires chinoises, donc il y en a forcément une qui a perdu. Et en simple homme, on s'est pas dit ça non plus. Donc j'ai vraiment l'impression que, tu vois, Chen Long, c'est l'exemple type de la médaille maximisée. C'est-à-dire que, déjà, c'est ouf d'être arrivé en finale. On s'attendait pas forcément à ça. Je sais pas, j'ai évidemment que la Chine aurait pu faire plus de titres, mais j'ai quand même l'impression que ces 6 médailles, quand on voit le potentiel de la Chine, qui est peut-être pas le meilleur qu'on ait eu sur les 3-4 dernières Olympiades, je me dis que 6 médailles, c'est vraiment honnête. Peut-être que je sous-estime le potentiel chinois. Non, en fait, là où je suis d'accord, c'est que typiquement, simple homme et double homme, c'est des bons exemples, parce qu'à chaque fois, on avait un joueur, Victor Axelsen, ou une paire, Li Wang, qui paraissait vraiment injouable pour tout le monde. Et comme je l'avais dit en live, t'as un peu l'impression que Chen Long, c'est le meilleur des autres. Et c'est un peu pareil pour Li Liu, quoi. Ils ont su être le meilleur des autres et arriver en finale. Et dans les deux cas, il n'y a quasiment pas eu match, tant les adversaires étaient plus forts. Donc la Chine ne pouvait pas rêver mieux, quasiment. En simple homme, effectivement, surtout en simple homme, c'était très très loin d'être gagné. Hein. Y a, surtout vu la partie tableau de Chen Long, il était loin d'être favori. Donc non, je pense que Je pense que lui s'en satisfait, la Chine peut-être un peu moins, mais c'est vrai que c'était dur de faire mieux. Je pense que le truc qui fera tâche, c'est vraiment le double dame, oui. Parce que là, il y avait moyen de faire trois médailles d'or, quoi, et ça aurait encore fait gagner le, ça aurait encore fait monter le bilan. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, au tableau des médailles totales, je me demande s'ils sont pas juste une médaille d'or derrière les Américains, les Chinois. Ouais, c'est ça, ils finissent avec une médaille d'or de moins seulement. Donc, bref. Je pense que c'est vraiment le double dame qui fera tâche, parce que sinon le bilan est effectivement bon dans les autres. Ouais, c'est, cette finale, voilà, on reviendra pas sur la finale, on en a déjà assez parlé, mais t'as raison. C'est la seule où vraiment on s'est dit elles sont passées à côté de leur finale, et alors que clairement, sans faire injure à Polly Rayou, il y avait beaucoup plus la place que sur le simple homme ou le double homme. Et c'est aussi ce qui va, on va en parler juste après, mais qui va faire que ma note est pas aussi élevée qu'elle aurait pu être, parce que s'il y avait eu médaille d'or sur ce match-là. Clairement, le bilan de la Chine au JO de Tokyo en badminton, c'était pas loin d'être une masterclass. Donc on a parlé de on va dire les bons élèves. Effectivement, on a Chen Long, on a Wang Yuang. Après, on peut parler des joueurs de simple qui n'ont pas fait de finale. Shi Yuki chez les hommes et Bing Jiao chez les femmes. Est-ce que t'attendais plus d'un des deux? Que je rappelle, Shi Yuki, du coup, il fait un quart, et Bing Jiao, elle fait une demi, et elle perd le match pour la troisième place. À chaque fois, il faut dire que ces deux joueurs-là perdent contre le futur champion olympique, donc Chen Yufei pour Bing Jiao, et Victor Axelsen pour Shi Yuki, donc... Ouais. Shi Yuki, on va pas se mentir, on n'attendait rien de lui. Moi, je l'ai même trouvé plutôt bon, finalement, par rapport à ce qu'on pouvait attendre. Et Bing Jiao... très décevante, mais en même temps décevante face à la future championne olympique. Donc, je pense pas qu'il sera allé en finale, même dans une autre partie de tableau, honnêtement. Mais je sais pas si t'attendais plus que ça, mais moi perso, non. Non, non plus. Et pareil pour la paire dont on n'a pas encore parlé chez les dames, Douli, qui perdent en quart contre pareil les futures championnes olympiques. Elle tombe contre une paire en feu en quart, c'était un gros match, pareil il n'y avait pas grand chose de mieux à faire pour le coup. On attendait, disons que cette paire là peut-être qu'on attendait un tout petit peu plus parce que plus performante sur les dernières sorties etc, mais oui effectivement quand tu regardes à froid et tu te dis ah ouais bon ben elles ont pris Polly Rayou qui sont championnes olympiques derrière, t'es tombé sur la paire en feu de la semaine. Ouais, difficile d'attendre mieux, sachant que dans les trois tableaux qu'on vient de citer, quand même, c'est deux médailles d'argent et une médaille d'or. Donc, même si la deuxième paire ou le deuxième joueur s'est un peu troué, le bilan est quand même pas catastrophique. Et Zheng Wang, finalement, qui déçoivent en n'ayant pas cherché l'or, mais à l'échelle de la Chine, c'est corrigé par le fait que ce soit Wang Wang qui la prenne, quoi. Bah, de toute façon, si ça avait pas été Wang Wang, ça aurait été Zheng Wang, Oui, puisque voilà. les Chinois, pour le coup, c'est vraiment le tableau où ils ont été le plus impressionnants parce qu'il y avait vraiment eux et les autres cette semaine, enfin la semaine passée en mixte. Aucun débat possible, et probablement qu'à l'avenir, c'était déjà plus ou moins le cas depuis quelques années maintenant, et ce sera à mon avis le cas, on va le voir aux Mondiaux à Huelva probablement, on le verra sur les compétitions de Surdiman, etc., mais... À mon avis, les deux paires qu'on a vues là, elles sont vraiment au-dessus du lot et c'était pas juste sur les Jeux Olympiques. Avant qu'on passe aux notes, t'as quelque chose à rajouter sur un athlète chinois, une athlète chinoise ? Non, on les a quasiment tous évoqués, donc j'attends ta note quand même, parce que je sais pas si on va être d'accord. Je vais te laisser dire la tienne. Avant qu'on te dise les notes, juste, on en a même pas parlé avant, Benoît, donc je sais pas comment on va noter, mais je pense qu'il faut qu'on prenne en compte le potentiel des joueurs. Le potentiel des joueurs avant ces JO, parce qu'évidemment il y a des joueurs ou des joueuses on attend qu'ils prennent médaille, il y en a on n'attend pas qu'ils prennent médaille, et aussi l'historique du pays avec les Jeux Olympiques. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Bien sûr, c'est totalement typiquement, comme ça que... typiquement pour la Chine, ça compte énormément puisque les attentes sont démesurées. Je vais te laisser commencer, une note sur 10 pour l'ensemble de la délégation chinoise du BAD à ces JO. Pour moi, la Chine, ce sera un 7,5 sur 10. Alors, ça démarre sur des petites demi sur 10. Non, 7,5 parce que déjà, le bilan à Rio, en vrai, 3 médailles, c'était le pire de l'histoire. C'était pas catastrophique, mais pas loin, parce que la Chine, c'est quand même une culture du bad. En fait, sauf une fois dans l'histoire des Jeux, ils ont toujours terminé meilleur pays au classement des médailles. Je parle du badminton, évidemment. Donc là, ils retrouvent leur place. Je pense que c'était important, surtout que voilà, ça faisait un an et demi sans badminton, etc. Maintenant, je pense quand même que, là, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais vu le potentiel des joueurs, pour moi, la Chine a maximisé vraiment les médailles, en fait, notamment en simple homme. Je ne m'attendais pas forcément à cette médaille-là, même si je l'espérais. Voilà, peut-être pas deux médailles, tu vois, non plus en double mixte. On avait dit que ce tableau, il serait hyper relevé et que potentiellement, il pouvait y avoir des surprises. Finalement, tu as deux paires chinoises en finale, deux médailles. Voilà, un 7,5 sur 10, pour ces raisons-là. Je vais mettre 7, moi, pour un peu les mêmes raisons que toi. Alors, c'est vrai que pour la Chine, en fait, pour la Chine, c'est pas excellent, excellent. Mais en fait, tu dis que ils sont quand même, globalement, je trouve, dans un creux générationnel, une sorte d'entre-deux dans pas mal de tableaux. Et qu'au final, ouais, tu te dis qu'il y avait plus fort qu'eux dans quasiment tous les tableaux. Tu te dis, normalement, le double dame, les japonaises devaient être au-dessus à la base. En simple dame, c'était plutôt Tai Tsuing qui paraissait favorite. Double homme, simple homme, etc. Heureusement qu'il y a le mixte, le mixte, ça fait vraiment monter parce que c'est le truc où ils étaient favoris et ils ont assuré, même plus qu'assuré. Ouais, je mettrais 7 un peu pour les mêmes raisons que toi, quoi. Vu le potentiel qui n'est pas forcément celui des autres Olympiades, le bilan ramené est vraiment pas mauvais, ouais. Take that. On va passer, puisque en anglais il est écrit Chinese Taipei, on va passer donc à Taïwan. Alors là, il y avait 5 athlètes engagés, Xu Tianchen et Wang Tsui-wei en simple homme, Tai Tsuying en simple dame, et la paire Li Wang, donc championne olympique en double homme. Par quoi tu veux commencer pour Taïwan? Je voudrais commencer peut-être par Xu Tianchen. Oui, sur le papier, il était tête de série numéro 2, si je ne m'abuse. Oui. Maintenant, on l'avait dit tous les deux, enfin tous les trois même, parce qu'avec Marius en preview, personne ne le voyait médaillé. Et même si sur le papier, c'était une chance pour Taïwan, honnêtement, dans cette partie de tableau, on pensait que c'était pas possible. Effectivement, c'est ce qui s'est un peu produit. Maintenant, deux médailles pour Taïwan, les deux premières de leur histoire au badminton. Li Wang en double homme, Tai Tsuing en argent en simple dame. Je sais pas, est-ce que tu veux parler d'un tableau en particulier? Oui, on peut. En fait, je suis partagé parce que je me dis, c'est les deux premières de l'histoire du pays, c'est fantastique. Mais je me dis, sur le papier, il y aurait pu en avoir trois ou alors deux en or, tu vois? Tu vois Ouais, ce que je veux dire? bien sûr. C'est pas passé loin d'ailleurs, puisqu'il y a deux finales. Et un Mais quart. Xu Tianchen, moi je suis d'accord que c'est pas. Pour moi, il a pas un niveau de tête de série numéro 2. Je trouve que quand tout le monde est à son meilleur niveau, il est moins fort que Chen Long, il est moins fort qu'Axelsen, il est moins fort que Momota évidemment, et maintenant je trouve moins fort que Anton Sen, potentiellement que Ginting ou que Lizidja, tu vois. Maintenant, ceci étant dit, il est tellement régulier que je me dis il pouvait sortir de cette partie de tableau basse un peu piégeuse, tu vois. Donc, ça aurait pu. C'est clairement, je pense, un des seuls pays où, bon, à part Wang Tsui-wei, quasiment tous les athlètes pouvaient faire médaille. Donc, évidemment, c'est historique, mais ça aurait pu être encore mieux, en fait. Ouais, bien sûr, je suis assez d'accord, mais c'est vrai que, enfin, c'est vrai que oui, en étant tête de série 2, il se permettait quand même de jouer un match de moins, sachant que les huitièmes de finale, on l'a dit, c'était hyper relevé, il y a eu des énormes matchs. En vrai, je suis pas sûr que s'il avait été en huitième de finale, tu vois, il serait passé. Donc le fait Non, d'être en clairement. quart, ouais, voilà, le fait d'être en quart direct, c'était une Ça, en vraie fait, t'avais chance. deux têtes de série 2. Dans les deux tableaux de simple, t'avais la tête de série 2. Et à côté de ça, t'avais Li Wang, qui était pas tête de série, mais qui était monstrueux depuis un moment. Ouais, c'est exactement ça. Donc, raison pour laquelle Xu Tianchen avait une chance peut-être de faire médaille. Maintenant, je te rejoins sur le niveau de Xu Tianchen. Il affiche une super régularité et ça, personne ne lui enlèvera. Maintenant, dans les grands événements, je crois qu'il y a zéro médaille mondiale ni olympique forcément du coup. Ça révèle quand même que quand tout le monde, notamment Chen Long, est à son meilleur niveau. Xu Tianchen, lui, il est toujours à son niveau de la saison, donc constant, mais pas pas assez pour aller chercher une médaille olympique. Maintenant, je te rejoins sur les trois médailles potentielles ou les deux en or qu'on pouvait attendre. Maintenant, Li Wang qui vont chercher l'or. Oui, sur la semaine, c'est une évidence. Maintenant, avant les Jeux, il y avait quand même pas mal de prétendants. Donc, je trouve que Taipei fait quand même des Olympiades en bad très très propres. Ouais, moi aussi. En fait, c'est vrai que on le dit maintenant, mais autant Tight Swing, on le sentait vraiment bien. Shu Chenchen, on savait pas trop, mais Li Wang, je me disais, ouais, ils vont quand même pas réussir à dominer. Ok, ils ont fait triplé en Thaïlande, mais là, c'est les JO, tu vois. Je me dis, tout le monde est là. Il y avait pas tout le monde. Il y avait pas tout le monde en Thaïlande. Là, je me dis, c'est les JO. Ils vont pas marcher sur les JO comme ils ont marché sur la tournée thaïlandaise. Et bah si. Donc ça, c'est vrai que maintenant, on se dit ok, mais c'était pas toujours acquis, quoi. Non, faut pas oublier que ils ont fait un exploit. Hein. C'est juste que là, on est sur les 6 derniers mois, on se dit ouais, mais nous, ce dont on se souvient, c'est qu'en Thaïlande, ils étaient trop forts. Mais avant la Thaïlande, Li Wang, ils étaient pas trop forts. Enfin, évidemment qu'ils étaient top 10 mondial. Y a pas photo là-dessus, mais on parlait pas d'une paire qui allait exploser tout au jeu, surtout qu'après le premier match contre Ankeri Dichetti, tous les deux en live, on était là en mode. Ils sont dos au mur et ça sent quand même pas très bon. Donc, faut pas oublier ça non plus. Et en vrai, Li Wang, cette médaille, elle est incroyable, vraiment. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu peux nous dire quelle note tu donnes du coup à Taïwan? Moi, j'ai été un peu partagé sur la note, mais je vais mettre quand même 8. Parce que, on a parlé d'historique, jamais de médaille. Même si ça aurait pu être mieux, et du coup, si je pense que s'il y avait eu Tight Swing à Nord, ça aurait été un 9, voire potentiellement un peu plus. Mais le fait que Tight Swing ne ramène pas le titre, moi, ça me fait mettre que 8 maintenant. Je pense que l'Olympiade de Taïwan, elle est plus que réussie. Moi, j'ai mis 8,5. J'ai été un peu plus sympa, parce que... En fait, c'est pour les mêmes raisons que toi, mais je trouve que vu la taille du pays, on parle aussi de l'historique, tu vois, genre il n'y avait rien eu avant. Donc c'est vrai que ça reste, tu vois, quand tu te dis que le pays est au classement des médailles du bad et devant l'Indonésie, devant le Danemark, devant le Japon, devant la Corée du Sud, c'était loin d'être fait. Donc voilà pourquoi je mets 8,5. Ils sont deuxièmes, c'est ça, au classement du coup. Ouais, ils sont deuxième, je ne l'ai pas précisé, ils sont effectivement deuxième, donc c'est quand même assez ouf. Donc on va enchaîner du coup avec le Danemark. Alors le Danemark, on a en simple homme, on avait Antonsen et Axelsen, en simple dame, on avait Mia Blichfeldt, en double homme, Astrup Rasmussen, en double dame, Fregard Tigesen, et en mixte, Christiansen Boyeux. Bilan. Une médaille en or, celle de Victor Axelsen en simple homme. Est-ce que tu veux commencer par ça, peut-être? Bien sûr. Victor Axelsen, la médaille d'une carrière ou pas loin, il l'a dit dans une interview que sa carrière, elle avait été construite pour ça. Aujourd'hui, enfin, c'est sa deuxième médaille olympique, mais là, c'est vraiment le summum de ce qu'il a atteint en termes de niveau jusqu'ici. Peut-être qu'il fera mieux plus tard, mais il y avait tout, en fait, chez Victor Axelsen, on en a déjà parlé, mais le niveau, le scénario, tout, c'était le bon moment pour lui. Cette médaille, elle est incroyable, c'est le deuxième champion olympique en simple homme de son pays. Je pense qu'Axelsen, il a fait ce qu'on attendait de lui, mais on sait à quel point c'est dur pour des athlètes d'assumer le jour J, j'ai envie de te dire. Et Axelsen l'a fait, mais l'a fait avec tellement de classe et de brio que c'est ça en est impressionnant. Ouais, en fait, c'est ça. Il y a le fait qu'il l'ait fait, et il y a aussi le comment il l'a fait, en fait. Et quand tu regardes, il n'a pas perdu un set du tournoi alors que c'est les JO. Il donne une leçon à Chen Long en finale alors que Chen Long, il a été incroyable toute la semaine. Il s'est baladé vraiment toute la semaine. Alors, Axelsen, pour être honnête, il n'a pas eu les adversaires les plus durs. Mais aussi il a eu Wang Tsui-Wei, Shiyuki, Cordon et Chen Long, mais notamment aussi parce qu'il a su les rendre inoffensifs, et notamment en finale, en fait, c'est ça qui est impressionnant. Oui, alors c'est vrai qu'il a pas eu la partie de tableau la plus difficile, t'as raison de le souligner, hein. Maintenant on peut faire des essais, mais il était tellement fort que finalement, en finale, il bat celui qui était le meilleur de la partie de tableau la plus dure. Donc oui, il n'a pas eu la plus difficile, mais je vois pas un seul joueur qui lui arrivait à la cheville. Enfin, honnêtement, c'est son niveau, il a atteint un niveau incroyable au jeu là. Moi aussi. Alors, c'est compliqué de parler du bilan danois du coup. Pour moi, est-ce que tu es d'accord avec moi que quasiment le seul qui pouvait prétendre à une médaille outre de lui, c'était dans le même tableau, c'était Antonsen ? Je suis pas loin d'être d'accord parce que les autres, il y avait peut-être Astrup Rasmussen qui était sur un. Je ne vais pas dire un énorme coup de bol, mais sur une semaine incroyable qui pouvait peut-être y prétendre. Pardon. Maintenant, Mia Blichfeld et Frogarty-Gessen, pour moi, il n'y avait aucune chance. Non, est-ce que tu veux revenir sur le parcours? Bon, Mia Blichfeld qui sort facilement le pool derrière, qui me déçoit un peu en n'étant pas capable de faire mieux face à Sindhu, mais après, Sindhu, elle était très impressionnante. Elle était très impressionnante cette semaine aussi. Tu l'as dit, Astrup Rasmussen, il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu de miracle face à Liliu malgré un très très bon match. Et là, je pense qu'il doit vraiment être frustré. Et pareil pour Christiansen, Boyeux, qui ne sont pas sortis de poule sans être ridicules, on va dire. Les doubles danois qui ont été, même si Frogarty-Gessen, ça n'a pas toujours été le cas, ça a été à peu près à leur niveau, sans exploit, quoi. Ouais, à part Frogarty-Gessen qui ont finalement fait cet exploit avant de... d'oublier de sortir de poule, on va dire, pour rester poli. En vrai, ils ont été à leur niveau, ouais. Maintenant, le Danemark, je l'ai sous les yeux, là. Il y a une seule fois dans l'histoire des Jeux au badminton où ils font pas de médaille, c'est à Pékin, en 2008. Sinon, il y a toujours au moins une médaille, et depuis deux Olympiades, donc Londres et Rio, ils en faisaient deux. Donc là, on est sur une médaille. Mais ça, on pourra faire un épisode dessus, on avait déjà fait un épisode dessus, mais le problème, il est en double, en fait, hein, parce que les Pedersen-Ritterhjul et Bo-Mogensen, c'est fini, et c'était ça, les pourvoyeurs de médailles des éditions précédentes, en fait. Oui, parce que Ritterhjul, c'était même un mixte, il me semble qu'il y a une médaille avec Thomas Leiborn, tu vois, donc, Thomas Leiborn. Effectivement, le fait qu'en double, voilà, on le sait qu'il y a un trouble, enfin, un creux, pardon, générationnel. Même en simple dame, il n'y a pas eu la suite de ces joueuses incroyables que sont, qu'étaient notamment Camilla Martin. C'est difficile de dire qu'on pouvait espérer mieux du Danemark, en vrai, à part Antonsen peut-être, mais sinon. Même à Paris 2024, là, on voit peu d'athlètes arriver. Alors, le problème, c'est que c'est que dans 3 ans. Et on voit peu d'athlètes arriver capables déjà de remplacer cette génération qui était à Tokyo, tu vois. Donc on se dit que ils sont pas médaillables, mais en même temps, il n'y a personne qui est meilleur ou à leur niveau. Donc probablement. Moi, je pense qu'à part Frogarty-Gessen, on pourrait avoir les mêmes. À Tokyo. On prend les mêmes et on recommence. À Paris, on prend les mêmes et on recommence. Hein. C'est pas une crainte, mais c'est carrément possible. Et Frogarty-Gessen. Je pense que Magelund Raven vont petit à petit prendre le pas. Et Frogarty-Gessen, elle a 30 ans, tu vois. Donc je pense qu'au bout d'un moment, ils vont arrêter. Christiansen Boyeux, s'il continue comme ça, je pense qu'ils seront à Paris. Et pareil pour les joueurs de simple. Et Astrup Rasmussen, je pense qu'ils vont le tenter au moins, tu vois. Donc. Faudra faire attention à Aline Christophersen, mais évidemment, ça reste que c'est pas des joueurs médaillables. Donc. Après, voilà, faut pas oublier que le Danemark, c'est pas la Chine en termes d'habitants et tout, mais c'est parce qu'il y a cette culture bad depuis toujours qu'on en parle comme ça. Mais effectivement, à part Victor Axelsen et Anders Antonsen, à Paris, faudra pas espérer que le Danemark fasse 3-4 médailles. Ça arrivera probablement pas. Non, même si c'est vrai qu'il peut s'en passer des choses, mais ça paraît difficilement réalisable, effectivement. Quelle est donc ta note pour le Danemark, Benoît ? Moi j'ai mis 7 au Danemark, j'ai hésité aussi parce que j'avais envie de mettre une note plus basse, mais en même temps le potentiel de médaille, on l'a dit, il était sur deux joueurs, il y en a un qui fait l'or, l'autre il perd en quart de finale, c'est moins que sur les deux Olympiades précédentes, c'est vrai, mais en même temps j'ai l'impression que c'était difficile de faire plus, voire impossible, donc ce sera un petit 7 on va dire. Ouais, moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, je fais que dévier d'un demi-point. Je mets 6,5 parce que pour les mêmes raisons, en fait, on a vraiment l'impression que Victor Axelsen vient sauver le bilan à lui tout seul, en fait, parce que sinon, il est quand même assez bah, assez catastrophique, parce que à part lui, quand tu regardes les autres, t'as un peu l'impression que le Danemark rentre dans le rang et devient un pays moyen, quoi. Moyen qui fait une médaille olympique, c'est vrai, en badminton, il n'y a pas... Non, je parle à part lui, tu vois, je te parle à part Axelsen. Ah bah oui. À part Axelsen, le reste, ils ont fait des bilans moyens de pays moyens, tu vois. Ouais, ouais, de toute façon, à part le simple homme, même, j'ai envie de te dire, parce que Antonsen a quand même fait des bons JO, les quatre autres tableaux, c'est un pays, c'est un pays moyen du bad mondial. Ouais, clairement, t'as raison. Et déception pour Antonsen aussi, que j'attendais plus haut. Moi, je le voyais bien faire finale. Ouais. Mais pas pour ça. Alors, le prochain, on le connaît bien, puisque c'est notre pays, c'est la France. Brice Leverdez qui perd en poule en simple. Chichoufei qui fait la même chose en simple dame. Et J.K.L. Elru qui font la même chose en double mixte. De quoi tu veux parler en premier, Benoît ? Écoute, je pense qu'on peut parler un peu de Chichoufei, pas au niveau qu'on l'attendait, mais parce que blessée, elle a relevé la tête. Clairement, moi je m'attendais à peut-être à ce qu'il y ait trois défaites après ce qu'on en a vu au premier match. On ne sait pas si elle sera là à Paris. Honnêtement, on va pas s'avancer là-dessus. On verra ce qu'elle dira et comment ce sera. Maintenant, c'est décevant quand même, parce que je sais pas comment tu le vis, enfin comment tu l'as ressenti, mais moi. Alors oui, tight swing dans ta poule, mais quand même, Chichoufei, c'est une bonne joueuse de bad, c'est une top 30 mondiale, enfin, qui a le potentiel en tout cas de l'être, et au moins de gagner deux matchs dans cette poule, donc forcément, il y a quand même une déception. Ouais, en fait, c'est dur de l'évaluer, parce que est-ce qu'on évalue la Chichoufei blessée qu'on a vue, ou alors est-ce qu'on évalue Chichoufei à son niveau max, tu vois ? Là, c'est dur. Ce que je veux dire, c'est ça qui est compliqué, parce qu'on dirait pas du tout la même chose si elle avait été en pleine possession de ses moyens, parce que j'espère au moins que si elle avait été en pleine possession de ses moyens, elle aurait battu la Vietnamienne et elle se serait offert une affiche de rêve contre Tight Swing, tu vois. Alors que là, elle est arrivée contre Tight Swing en étant quasi déjà éliminée. Oui, je pense que ça aurait été le cas. C'était le deuxième match Tight Swing ou le troisième ? Je me souviens pas. C'était le deuxième. Le troisième, puisque c'était Chichoufei, la deuxième mieux classée. Oui. Ouais, je pense que t'as raison, on n'aurait probablement pas le même débat. Et si elle n'avait pas battu la Vietnamienne à 100% de ses capacités, là, pour le coup, ça aurait été vraiment un faux pas. Alors que là, on se dit, elle a quand même gagné un match. Donc forcément, c'est dur de juger. Maintenant, elle y était au jeu, donc c'est... Le bilan, son bilan, il est pas fou. Maintenant, elle était au jeu parce que c'était notre meilleure chance, donc voilà. C'est vrai que tu le dis, elle y a été au jeu. Pour regarder le bilan français, combien de temps ça fait qu'on n'avait pas envoyé autant de joueurs ? Je pense que ça fait un moment. Hein. Je l'ai pas sous les yeux. Honnêtement, j'ai pas regardé. Oui, vous allez croire que j'ai pas travaillé. Tu vois, pour un pays comme la France, c'est quand même à prendre en compte. Je crois que la dernière fois qu'on a envoyé une paire en mixte, on va reparler de Tom J.K.L. et Delphine Lalru, ça doit être 2008 ou 2012. Donc, oui, c'est à prendre en compte, t'as raison. Puis voilà, elle était clairement dans le cut pour y aller, hein, tous les jours, Chichoufei. Même Marie Batomene y était s'il n'y avait pas eu Chichoufei. Donc oui, c'est important de le dire. Même en simple homme, c'est important de le dire. Brice Leverdez y était, c'est vrai, mais on aurait pu envoyer... Je pense que Thomas Junior Popov était dans le cut, Thomas Rouxel était dans le cut. C'est vrai qu'on a envoyé quand même quatre athlètes. C'est important de le dire. C'est important parce que Paris arrive et là, après, on aura normalement 5 athlètes pour représenter la France. Mais c'est vrai que c'est important de le signaler qu'on a été autant représentés. Je sais pas ce que t'en penses avant de parler peut-être des autres tableaux. Moi, globalement... Je suis vraiment déçu parce que la France, au niveau du bad, on n'espère jamais grand-chose. Et là, je me suis dit, vu ce qu'on envoie dans chaque tableau à chaque fois, il y a la blessure de Chichoufei qui a été la première contrariété de cette aventure, mais j'espérais au moins un exploit, j'espérais qu'il nous fasse un peu rêver, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Au moins qu'il nous fasse se lever de notre siège, ou plutôt de notre lit, vu les heures de diffusion des matchs, mais... qu'il se passe des trucs avec les Français, et au final, tout a été annihilé très très vite, nos espoirs, je trouve, les Français sont vraiment restés dans le rang, alors que sur un des trois tableaux, les trois, du coup, je me suis dit, on a au moins un qui peut nous, tu vois, avec les probabilités, un qui nous fasse un peu rêver, et au final, ils n'ont jamais su créer l'exploit, quoi. Ouais, c'est intéressant que tu dises ça, parce que c'est vrai, déjà, Shishufei, on s'y attendait plus quand on a compris qu'elle était blessée, mais le double mixte, c'est peut-être là où on s'y attendait le plus, mais même Brice Leverdez, alors oui, il est plutôt jeune et tout, c'est vrai, mais on se disait quand même, vu son premier match et tout, tu vois, on se disait, bon, ben, est-ce qu'il n'est pas capable de nous faire un énorme truc? Et on l'a pensé, je pense que toi comme moi, on l'a pensé jusqu'à ce match contre Lidia. Et c'est vrai que les exploits sont venus, en fait, mais pas chez les Français. Alors que clairement, c'était pour moi deux, que ce soit Tom Jiquel, Delphine Delru ou Brice Leverdez, c'était deux sources d'un énorme exploit. Et c'est pas arrivé, donc c'est vrai que c'est un petit peu décevant quand même. Je suis d'accord avec toi. Brice Leverdez, moi j'y ai cru contre Lizidia. Après, il est tombé vraiment contre un des hommes en forme. Et la frustration, elle est encore plus grande pour Tom Jiquel et Delphine Delru, parce que là, Ellie Smith, tu te dis, ok, ils font une bonne semaine, Ellie Smith, ils font un quart et tout, mais ils étaient prenables au niveau des deux paires, et c'est clairement le contexte JO qui les a paralysés, les Français, je pense. Oui, pour moi, la vraie déception, c'est eux. Ils étaient à Tokyo, il y a un an, ils n'y auraient pas été. Alors ça aussi, c'est important de le dire, parce que je pense que beaucoup sont déçus par leur JO, nous les premiers, et eux, surtout les premiers d'ailleurs. Maintenant, il y a un an, ils n'auraient pas été à Tokyo, il faut aussi le rappeler. C'était leur premier jeu, ils sont jeunes, il y avait la pression, mais sur le terrain, ils n'ont pas été au niveau, il faut le dire. Ils n'ont pas montré leur meilleur visage, que ce soit contre les Anglais ou même contre les Thaïlandais, qui n'étaient pas incroyables hein, cette semaine aux Jeux Olympiques. On va pas se mentir, Ellie Smith, ils les battent, ça passe pas les quarts. C'était largement prenable. Il y avait la place pour Jiquel Delru. Ça reste une énorme déception quand même, parce qu'ils avaient le niveau, je pense, pour sortir de poule. Alors, la note, qu'est-ce que tu donnes comme note pour l'équipe de France? Et vous allez dire que j'ai été gentil jusque-là, mais là ça va piquer parce que je mets la moyenne, mais ce sera pas plus d'un 5 pour moi. Ok, je vais mettre 4, ouais. Parce qu'effectivement je suis assez déçu aussi. Même si la France, voilà, on n'attendait pas forcément une médaille, même si Brice Leverdez en parlait quand même pas mal, mais j'attendais mieux. Mais bon, effectivement, il n'y a pas eu exploit. Benoît, est-ce que tu as quelque chose à dire sur l'Allemagne qui vient ensuite? Non, honnêtement, bon voilà, c'est... On n'est pas obligé de s'y attarder. Hein. Non, c'est comme la France. La France, on en parle parce que c'est la France, évidemment, mais l'Allemagne, on ne s'attendait pas non plus à ce qu'il fasse une médaille, donc... On n'est pas obligé de s'y attarder, je pense. Il y a encore pas mal de pays à faire, donc tu as raison, on va enchaîner. On va parler de la Grande-Bretagne. Alors, il y avait Toby Penty en simple homme qui a fait un quart, il me semble, Toby Penty. Non, un huitième. Huitième. Kirsty Gilmour, qui, elle, n'est pas sortie de poule, il me semble. Non. Line Vendy qui ne sont pas sortis de poule, Burt Smith non plus et Ellie Smith qui ont eux fait un quart en mixte. Par quoi tu veux commencer, Benoît, pour la Grande-Bretagne? Les seuls qui méritent qu'on parle d'eux, non, sans être dur, Toby Penty, déjà, faut pas oublier qu'il a quand même fait un exploit en poule. C'est vrai. Voilà, on s'attendait pas à ce qu'il sorte. On le précise, il a battu Wang Charoen, le Thaïlandais. Ouais. Tu fais bien de le préciser. Donc ça, c'est quand même un bon point pour la Grande-Bretagne. Et les Smith, c'est pareil. Hein, ils sortent premiers d'une poule où, clairement, ils peuvent ne pas sortir de poule non plus. Dans d'autres circonstances, évidemment. Mais ils se plantent en quart. Alors oui, c'est vrai, ils se plantent en quart. Mais ils vont déjà en quart de finale des Jeux. Alors que moi, franchement, je voyais plus Jiquel Delru dans cette poule. Donc c'est déjà une belle prestation. Et puis, en ce qui concerne les autres... Burt Smith, on s'attendait pas à beaucoup mieux dans cette poule très compliquée. Kirsty Gilmour, au-delà de l'affection qu'on a pour la joueuse, c'était pareil. Elle était condamnée à un exploit, donc il y en a pas eu. Mais je sais pas ce que t'en penses, mais globalement, on a eu ce à quoi on s'attendait, hormis Toby Penty. C'est ça. Gilmour, elle a eu un des pires tirages avec Yamaguchi, je pense, alors que pour le coup, Toby Penty, il a eu un des meilleurs tirages, même si ça ne retire rien à son exploit, mais c'est vrai qu'Hank Charoen, c'était une des têtes de série les plus faibles. Il a saisi sa chance, et là, en plus, il gagne avec la manière, quand même. Il gagne en 2-7, et il a été très impressionnant sur ce match. Tu voyais qu'il avait bien préparé, et Hank Charoen, il a jamais pu rien faire. Donc, même si derrière, il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu d'exploit pour Toby Penchi contre Anton Sen. Il a fait son tournoi, quoi. Ouais, c'est clair. Wang Chao-wen, voilà, on aura l'occasion d'en reparler, mais est difficile de confirmer sur le circuit senior. Maintenant, il était tête de série et Toby Penchi, il a profité de cette chance qu'il a eue. Tu l'as dit. En vrai, il a fait des très bons JO, du coup, on ne peut pas lui reprocher. Sachant qu'il avait été blessé, lui, avant la pandémie, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'était difficile de savoir à quoi s'attendre. Et il fait un huitième de finale olympique, quand même. Benoît, Ben Lane, Sean Vendy, on en a beaucoup parlé dans ce podcast, puisqu'ils ont été sélectionnés à la place de Marcus Ellis et Chris Langridge, alors qu'ils avaient un classement inférieur. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que il faut, je pense, prendre en compte le fait que Ellis Smith font un quart et que du coup Marcus Ellis n'avait qu'un tableau à jouer ? C'est quoi le bilan de cette décision, finalement, pour le staff anglais ? Pour moi, il est pas bon. J'ai pas changé d'avis. Je les avais presque oubliés puisqu'on a bien vu qu'ils étaient pas sur les photos de Team Grande-Bretagne. Non, effectivement. Non, mais ça, d'ailleurs, tu fais bien d'en parler. C'est terrible, hein. Bah ouais. L'ambiance que ça a dû mettre. Ils étaient sur aucune photo. Je pense qu'ils ont jamais été en contact quasiment. Peut-être dans des entraînements, mais sinon ils n'ont jamais été en contact avec le reste de l'équipe. Ils n'étaient pas du tout dans les bonnes conditions pour faire une paire. C'est terrible cette décision et les conséquences qu'elle a eues finalement. En fait, globalement, ce qui est terrible en plus de ça, c'est que tu as l'impression Toby Penty et Kirsty Gilmour n'avaient rien à voir avec eux, enfin dans la décision, tu vois. Je pense qu'ils étaient a priori d'accord avec Ellis Langridge. Maintenant, ça ne veut pas dire que forcément il n'y avait aucune affinité avec Lane Vendy, et ces images, elles sont catastrophiques parce que c'est peut-être aussi le reflet de ce qui se passe le reste de l'année. En vrai, j'ai peu de doutes sur le fait qu'ils étaient voisins de palier au village olympique. Donc, le fait de... Et c'est terrible aussi, tu te dis que Kirsty Gilmour, donc il n'y a que des Anglais dans l'équipe. Kirsty, c'est la seule écossaise, oui. Donc elle ne les côtoie pas beaucoup le reste de l'année. Et pourtant, tu as l'impression qu'elle elle est super bien intégrée, contrairement aux autres, quoi. Donc, c'est fou. C'est terrible. Je pense que c'est terrible pour la Grande-Bretagne, parce qu'en vrai, à la Sudirman Cup, cette paire, elle sera là. À la Thomas Cup, elle sera là. À Paris 2024. Faut voir à long terme, ouais, ce que ça donne. Paris 2024 aussi, ils seront là, mais quand tu vois l'ambiance, tu te dis, mais waouh, c'est quand même, ça doit pas être facile à vivre. Après, c'est pas eux qui ont décidé, c'est pas leur faute, même si je sais pas ce qui se passe en interne, mais pour moi, leur jeu, on s'attendait pas à des miracles, mais il aurait fallu quand même qu'ils montrent un minimum, et pour moi, ils n'ont pas montré ce minimum-là. Donc, en vrai, heureusement qu'on note pas juste les JO de Lane et Vendy, parce que je peux te dire que sinon, ce serait une sacrée note en dessous de la moyenne. C'est vrai que, alors, pour leur décharge, leur pool était difficile. Ils tombent avec les numéro 1 mondiaux, les futurs champions olympiques, et Ranky Reddishetty, qui était vraiment pas mauvais non plus. Mais à la fois, j'aurais bien aimé que dans le jeu, il y ait un peu de mieux. Dans le jeu, il montre que des fois, il soit capable sur certaines séquences de les inquiéter, alors que j'ai jamais trouvé, en fait. Je les ai jamais trouvés comme ça. Ils ont déjà battu les Indiens, pour dire. Mais là, il y a vraiment, on n'aurait pas cette donnée-là. On se dirait, bon, ben ok, en fait, il y avait une paire et une paire pas ouf, et trois paires qui pouvaient sortir de poule. C'est ça. Alors, on ne dit pas évidemment que Ellis Langridge aurait fait mieux, on ne peut pas le savoir, mais c'est dommage, du coup, que ça finisse comme ça, quoi. Oui, c'est plus... Mais un peu inévitable aussi. Ouais. En vrai, on les a donnés... on les a envoyés à l'abattoir, honnêtement. Pour moi, c'est l'image que j'en ai. Et même si mon cœur me dit que la décision était mauvaise, on les a pas aidés. Alors, Benoît, la note pour Team Grande-Bretagne. Ce sera quand même un 6. Parce que Toby Penty a quand même fait un exploit, un mini-exploit, et Ellis Smith vont en quart, alors même si c'est pas passé loin pour eux d'aller potentiellement jouer une demi-olympique, je pense que pour le coup ils ont aussi maximisé les chances du Team GB, qui était pas incroyable, on va pas se mentir non plus. Je vais mettre 5, moi. Je mets la moyenne. Je suis d'accord un peu avec ce que tu as dit, même si Toby Penty, je suis d'accord qu'il y a clairement un exploit, mais j'attendais mieux de Lane Vendy, j'attendais au moins une victoire de Burt Smith, même sans passer un tour, et j'attendais beaucoup mieux de Ellie Smith dans leur quart face à Tang Tse. Je me suis dit, en fait, il y avait moyen d'aller chercher médaille potentiellement, et je suis quand même assez déçu de ça, tu vois. Ouais, ouais, mais c'était les deux paires les plus faibles en quart de finale, je pense. Et c'était l'occasion d'aller chercher une médaille. Oui, je comprends totalement la note. J'ai pas voulu être aussi dur parce qu'il y en a qui vont prendre tarif dans quelques minutes. Alors, je sais pas si tu pensais à eux, mais là, c'est le tour des Indiens. Avec Sai Pranet en simple homme, PV Sindhu en simple dame, et donc on en a parlé, Ranki Reddy Shetty en double homme, donc une plus petite délégation. Sai Pranet qui est passé totalement à côté de ses jeux, défaite contre Zilberman, défaite contre Marc Aliou. PV Sindhu qui ramène donc la médaille de bronze, et Ranki Reddy Shetty qui sort après avoir gagné deux matchs très cruels pour les Indiens. Qu'est-ce que tu penses de tableau et du bilan global? Je crois que c'est le joueur de tennis de table Simon Gauzy qui en parlait ce matin du nombre de médailles de l'Inde globalement sur les Jeux Olympiques. Et quand tu vois le nombre d'habitants en Inde, c'est vrai que c'est assez fou que l'Inde ne soit pas capable de faire plus de médailles. Et c'est un peu le même débat que j'ai au BAD et qu'on a au BAD depuis des années. C'est que 2012, 2016, 2020, tu fais une médaille sur chaque Olympiade, les trois premières de ton histoire, enfin les trois seules de ton histoire. Mais là, c'est la deuxième pour Sindhu, il y en a une pour Newell, c'est toujours dans le même tableau. Et il n'y a jamais... Enfin, Pranet, en vrai, ok, il peut sortir de poule, mais jamais il passe un huitième de finale, tu vois. Donc, surtout, en plus, vu le niveau qu'il a affiché, finalement, il était capable de même pas gagner un match, quoi. Donc, c'était quand même assez terrible. Bah, c'est... Ouais, c'est catastrophique. Et en vrai, enfin, honnêtement, Ranki Reddy Shetty, alors oui, ils doivent capitaliser et sortir de poule. Maintenant, t'as deux mecs qui ont fait tout le job qu'il fallait faire. Oui, on peut considérer qu'après cette première victoire contre Li Wang, ils peuvent sortir de poule. Mais honnêtement, sortir de poule dans cette poule-là, ça aurait été un quasi-miracle. Donc, PV Sindhu, voilà, la seule médaille de l'Inde. Je sais pas ce que tu veux dire de ce bilan, mais c'est déjà pas mal une médaille, en fait. Bah, c'est déjà pas mal, ouais. En fait, ce qui est terrible, c'est, tu l'as dit, vu ce que la taille de ce pays et le nombre d'habitants, c'est terrible qu'il n'y ait que trois tableaux représentés déjà, qu'ils ne soient pas capables d'envoyer des gens en double. Alors après, le problème, c'est qu'ils sont dans une zone très difficile, une zone géographique très difficile où il y a toutes les meilleures nations mondiales. J'ai pas grand-chose à rajouter. Pranet qui passe totalement à côté de ses jeux, mais est-ce qu'il était... il a gagné sa place, hein, parce qu'il était le mieux classé que Kidambi, mais est-ce qu'il était capable de faire mieux que ça? Je pense aussi, surtout qu'il est tombé dans une poule... Voilà, qui n'était pas non plus... Zilberman, non, faut pas déconner quand même. Ben oui, voilà, c'est ça. Et PV Sindhu, je pense qu'on parlait de maximiser, je pense qu'elle aussi, surtout quand à partir du moment où elle était dans la partie de tableau tight swing, je pense que médaille de bronze, c'était le grand max de ce qu'elle pouvait obtenir sur ces jeux, je sais pas si t'es d'accord. Ouais, carrément. Surtout que honnêtement, il n'y a aucun moment où je me suis dit c'est la grande PV Sindhu de 2017, la finale. C'est 2017 la finale à Glasgow des mondiaux. Il n'y a aucun moment où je me suis dit c'est cette PV Sindhu-là. Quand on a vu ces derniers mois, voire même ces dernières années, parce que ça fait un an et demi, deux ans que c'est pas ouf, cette médaille, c'est déjà pas mal. Hein, encore une médaille dans un grand championnat. Maintenant, je pense que l'Inde, il va falloir... on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais... Il va quand même falloir, enfin, j'imagine que peut-être le sport n'est pas un objectif national, mais c'est quand même décevant d'être représenté que dans trois tableaux, même si tu l'as dit, c'est l'Asie. L'Asie, c'est un continent où c'est compliqué au niveau du BAD. Quelle note tu mets? Je vais commencer cette fois. Ouais. Moi, j'ai décidé de mettre 6. 6 parce que, historique, la médaille, je vais même mettre 6,5, tiens. Parce que, la médaille, c'est que la troisième. Mais derrière, j'attends mieux, surtout en simple homme. Je trouve ça dommage, un pays en plus où, pour le coup, les athlètes, surtout, en tout cas les badis, sont très bien rémunérés. Tu te dis, normalement, ça devrait faire plus d'émulation. Et Ranki Reddy Shetty, dommage, enfin, c'est pour eux, c'est cruel, quoi, mais le fait de ne pas sortir de poule, c'est quand même dommage. Donc 6,5 pour moi. Eh bien, pour moi, ce sera 6. Pour les raisons que tu as évoquées, je pense que ça aurait été un peu plus si Ranking Reddy Shetty était sorti de poule parce que ça aurait été un exploit. Je sais pas si ça aurait été beaucoup plus si Pranet était sorti de poule parce qu'on attendait à ce qu'il sorte de poule. Et honnêtement, je trouve que 6, quand tu vois la prestation de Pranet sur les jeux, elle est quand même... la note est sauvée par l'exploit de Ranking Reddy Shetty contre Li Wang. Parce que sinon, ça peut c'est terminer vrai qu'il à 4,5. Pranet, il tire l'Inde vers le bas, hein, pour le ouais, coup. Ça peut terminer à 4,5 hein, s'il gagne pas un match Ranking Reddy Shetty cette note. Look at this, look at that. Alors, l'Indonésie ensuite. L'Indonésie a beaucoup de choses à dire, puisque en simple homme, on avait Ginting et Christy. Ginting médaillé de bronze. En simple dame, on avait Toon Young. En double homme, on avait Gideon Sukamulyo et Hassan Setiawan. En double dame, Poli Rahayu. Et en double mixte, Jordan Octavianti. Beaucoup de choses à dire, comme souvent avec, avec l'Indonésie. Par quoi tu veux commencer, Benoît? Tu veux qu'on fasse un petit rappel des médailles indonésiennes sur les jeux, peut-être? Sur le oui. Ouais. Oui, bah on peut. Ginting en bronze. Ouais. Hassan Setiawan, donc pas de médaille, quatrième. Et Poli Rahayu en or. Donc deux médailles. De quoi tu veux parler? Bah, déjà du fait que c'est une de plus qu'en 2016 à Rio, c'était zéro en 2012 à Londres, sachant que avant ça, c'était l'Indonésie, hormis sur les premiers Jeux Olympiques, c'était 6, 4, 3, 3 et 3 médailles. Donc ça fait quand même 3 Olympiades que c'est compliqué. Là, il y a 2 médailles, mais le bilan, on verra dans la notation, mais pour moi, il est quand même globalement décevant. Benoît, je te relance, on va dire, mais 2 médailles, et en plus, pas forcément celles qu'on attendait. Pas au niveau du métal, pas au niveau du métal, mais au niveau des tableaux, on n'attendait pas, on pensait pas que c'est le double dame qui allait tirer l'Indonésie vers le haut. Ni une médaille en simple homme, hein. Honnêtement, c'est vrai. Moi je la voyais pas venir. Les déceptions du double homme, Hassan Setiawan, la dernière probablement, qui font 4. En demi-finale, il n'y a rien à faire, c'est vrai. Maintenant, en finale, le scénario du match et tout, c'est quand même... Sans revenir dans le détail du match, mais pour moi, c'était quand même une déception. Et alors, les Minions... Ouais. Tu parles du match pour la troisième place? Ouais, bien sûr, bien sûr. Les Minions, énorme face aux Malaisiens Tiasso, ouais. Les Minions, c'est, pour moi, c'est une des plus grosses déceptions des Jeux Olympiques. Ouais, défaite en quart de finale aussi face à Tiasso, les Malaisiens qui ont vraiment fait mal, aux paires indonésiennes. Ouais, évidemment, je suis d'accord avec toi. Ouais, le niveau des Minions qu'on a cru, en fait, encore, au début, si on s'était dit, vas-y, comme par exemple, on va en parler après, Pravin Jordan et Melati Ottaventi, si dès le début, on s'était dit, oulala, le niveau, il a pas l'air excellent, on va pas miser grand-chose. Mais non, là, justement, ils ont bien joué au début, ils ont bien joué en poule. Ils perdent finalement face à Li Wang, ok. Dans un gros match. On se dit... Pardon ? Dans un gros match. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... Ouais. C'est un énorme match. Et en plus, ils étaient déjà qualifiés. Ouais. En plus, ils étaient déjà qualifiés. Donc, du coup, on se dit, ok, ils étaient déjà qualifiés. Maintenant, à partir des quarts, ils vont se lancer. En plus, ils avaient un quart facile. Je ne veux pas manquer de respect à Tiasso, mais c'était largement prenable quand elle est Minions. Après, quand elle est Minions, c'était censé prendre tout le monde, normalement. Mais ouais, quelle grosse déception que ça s'arrête dès l'écart. Ouais, pareil, hein. Pravin Jordan, Octavianti, oui, forcément, quoi qu'il arrive, déception, même si on l'a quand même vu venir très très vite, alors je sais pas s'il n'y avait pas d'envie, sans doute un peu, parce que je n'ai pas trop compris l'attitude par moment, peut-être la fin de leur partenariat, à voir, mais le niveau de jeu, clairement pas au rendez-vous. En vrai, cette paire, limite, j'aurais préféré ne pas l'avoir sortir de poule. Pour la simple et bonne raison qu'il y a des paires qui méritaient plus sur l'envie, déjà, rien que ça, je pense que tout le monde méritait plus qu'eux. Moi je suis saoulé de voir des paires comme ça aux Jeux Olympiques, honnêtement. On l'a dit à quel point ils pouvaient être incroyables à avoir joué. Je sais pas si on les avait médaillés, mais moi c'est totalement possible que je l'ai dit, et leur prestation elle est clairement nulle. Ouais, c'est décevant, hein. Je rappelle, Jordan Octavianti, bon, il perd en quart face à Zheng Wang, le numéro 1 mondial, mais ce qui nous montre dès les poules, dès le premier match, ouais. Je crois que c'est le tout premier, hein, où il lâche un set contre les Australiens, tu te dis aïe aïe aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'ils vont nous faire pendant ces jeux quoi. Parce que c'est pas, ils passent après à l'arrache contre les Danois et ensuite ils se font corriger par Watanabe Ikashino. Tu te dis mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire là? Est-ce que c'est le problème, il est mental? Parce que je me dis, il y a plein de joueurs, on se dit ah bah ils ont pas réussi à jouer parce que c'était les JO, tu vois. Mais là ça m'étonnerait. Déjà Pravin Jordan, c'est pas ses premiers. Mais ensuite, je sais pas où il est le problème, mais c'est vraiment décevant quand tu vois ce qu'il nous avait montré au Danemark et en France il y a pas si longtemps. Ouais, clairement décevant. Ouais, et puis après, voilà, il y a la médaille incroyable de Pauli Raju qu'on n'attendait même pas sur le podium, enfin en tout cas, qui était dans les outsiders pour un podium, mais que nous, on n'avait pas mis sur le podium. Pour moi, c'était bronze grand max, hein, pareil, Pauli Raju. Pareil, mais elles étaient quand même outsiders pour une médaille. Donc c'est alors oui, elles font l'exploit, mais on les attendait potentiellement sur un podium, même si voilà, je l'ai dit, ni toi ni moi on l'avait pronostiqué. Cette médaille de Ginting, pareil. On pouvait l'attendre, c'était un outsider à la médaille. Maintenant, quand on voyait qu'il y avait Momota ou Axelsen qui potentiellement allait perdre en demi, on se disait que de toute façon, t'en as un qui ferait un et l'autre qui ferait trois. La défaite de Momota a aussi rebattu les cartes pour ça. Maintenant, voilà, il a maximisé ses chances lui aussi, finalement, je trouve, parce qu'il pouvait pas faire mieux. Et peut-être qu'on peut être déçu par Christy, mais finalement, Ginting, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ouais, Christy, clairement, déception, perdre contre Shiyuki qui est pas à son meilleur niveau. Mmh. Après, Christy, je sais qu'il y a je trouve pas le mot, mais on va dire qu'il a eu des problèmes familiaux. Je sais que son frère est décédé du Covid il y a pas longtemps. Je pense qu'il est pas dans le meilleur moment de sa carrière. Ouais, de et sa côté vie, Ginting, ouais. Ouais, pardon. Non, il l'a dit. Il était même pas. Il est dans. Il traverse une des périodes les plus compliquées de sa vie. Je sais plus où je l'ai lu, mais il en parlait. Ouais, voilà, c'est ça. Il a lui-même a eu le Covid, je crois, en plus. Donc ouais, il a eu une période vraiment difficile, donc ok, ça s'explique. Pour Ginting, je suis d'accord, Ginting, on l'avait pas mal critiqué, toi et moi, en Thaïlande, il était vraiment pas très bon, alors que là, quand même, on a vu un Ginting qui était de retour à son meilleur niveau, on l'a dit, mais impressionnant contre Tsuneyama. Il sort Anton Sen, que toi et moi, on voyait bien en finale tous les deux. Ouais, au final, on attendait fort Anton Sen, Lizidia. Finalement, on a eu Ginting, Chen Long, qui sont plus, on va dire, plus habitués à ce genre de match, mais qu'on n'avait pas vu tous les deux à ce niveau-là depuis un moment, quoi. C'est un peu la même chose. J'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. On a déjà parlé avant les jeux, et on en avait parlé avant les jeux, et effectivement, Ginting, en fait, moi, je trouve qu'on l'a revu au niveau où on l'avait vu, c'est peut-être sur les Jeux d'Asie 2018. Enfin, vraiment, quand on se disait, ok, c'est la suite de potentiel de Taufik Hidayat, ou au moins un digne représentant de l'Indonésie. Et je trouve qu'on l'a revu. Finalement, c'est un peu la suite, hein, puisque c'est le premier médaillé en simple homme depuis le grand Taufik Hidayat. Voilà, je sais pas si on peut parler d'héritier, parce que je suis pas sûr qu'on en soit encore là, mais. Mais ouais, la suite, ouais, ça, il me semble légitime pour avoir ce rôle-là, en tout cas, et j'espère que, déjà sur les prochains mondiaux et potentiellement sur Dierman, etc., il nous montrera que cette médaille olympique, ça lui a donné la confiance nécessaire pour continuer, ouais. Voilà, donc on a fait le tour. On n'a pas parlé de Toon Young, mais pour le coup, il n'y avait pas grand-chose à dire. Elle est sortie facilement de poule. Derrière, il n'y a pas eu grand-chose à faire contre Intanon en huitième. Est-ce que tu veux en dire un mot? Non, honnêtement, moi, j'avais même peut-être dit que dans cette poule, elle ne sortirait pas. Je ne me souviens pas qui c'est qu'il y avait, mais... Je vais te dire ça. C'est peut-être pas elle que j'avais annoncé. C'était Lian Tan. Ah, j'avais peut-être dit que c'était possible pour Lian Tan, tu vois, donc... Toon Young, voilà, ça montre à quel point j'en attendais quand même très peu, et cette sortie de poule. Bah, c'est vrai que ça a toujours été le maillon faible historiquement de l'Indonésie. De l'Indonésie. Alors, c'est dur à noter parce qu'il y a eu du bon et du moins bon. Qu'est-ce que tu donnes comme note à l'Indonésie, Benoît, en prenant en tête les chiffres que tu as dit au début, c'est-à-dire qu'avant c'était très bien, mais là que ça fait 2-3 Olympiades que c'est compliqué, quoi. Ouais. Je suis d'accord, mais sur ces Olympiades-là, c'est quand même peut-être les Olympiades sur les trois dernières où ils avaient le plus gros potentiel de médailles. Et c'est pour cette raison que j'ai donné la moyenne, 5, pas plus. Ça peut paraître dur parce qu'en vrai, Polly Ryu, ça reste un exploit. Mais en fait, pour moi, ça aurait dû être au moins, allez, je vais dire au moins 3 ou 4 médailles même sur ces JO. T'en as que 2, donc c'est pour moi, c'est une déception. Moi, je vais mettre moins. Je vais mettre Ah ouais, 4,5, ok. moi. Ouais, parce que là, j'ai les classements sous les yeux. En simple homme, t'as le 1 et 2. En mixte, t'as le 4. En double dame, t'as le 7. Je parle des classements mondiaux, évidemment. En simple homme, t'as 5 et 7. Bon, et en simple dame, t'as la 20e. Mais Tu vois oui. ce que je veux Ouais, dire? bien sûr. Ah mais je. On attendait plus que 2 médailles, tu vois, Oui, en oui. termes de rien qu'en chiffres. Oui, surtout que Hassan Setiawan et les Minions, du coup, ils n'étaient pas dans la même partie de tableau. Donc en vrai, je crois que je sais pas si on avait dit qu'on attendait cette finale-là, mais ça aurait très bien pu être une finale olympique et ça te faisait 2 médailles de plus. 2 médailles qu'on attendait ou pas loin. Donc oui, Oui, en fait, c'est c'est une surtout le déception. simple homme, le double homme, Ouais. pardon, qui concentre la plus grosse Ah déception. mais clairement. Donc, 4,5 pour moi, 5 pour Benoît. Oh my goodness! Le prochain, c'est aussi un gros morceau, c'est le pays organisateur, le Japon. Donc, Kento Momota et Tsuneyama perdent tous les deux. Enfin, Tsuneyama, il perd en 8e et Momota perd dès les poules. Nozomi Okuhara. En simple dame passe aussi à côté, elle perd en quart. Yamaguchi, sa compatriote, perd également en quart. Endo Watanabe en double homme. Quand est-ce qu'il perd Endo Watanabe? Il perd en quart aussi. Tout Oui. comme Kamura Sonoda en double homme. Fukushima Hirota, donc on sait Fukushima qui était blessée, elle perd en quart. Matsumoto Nagahara perd aussi en quart. Et Watanabe Higashino en double mixte, prennent la seule médaille du Japon, finalement, la médaille de bronze. Benoît, là aussi, il y a énormément de choses à dire. Par où tu veux commencer? Ne cherchez pas qui va prendre la plus grosse douille en termes de notes, elle est là, hein, pour moi. Par où Ouais, ça fait commencer? mal à, ça fait mal au cœur de faire ça, mais c'est obligé, hein, parce que le potentiel, là, quand Ouais. je le relis, le potentiel, il était énorme. Là, Ouais. je vois les chiffres un peu quand même. Ils ont donc le premier mondial en simple homme. En simple dame, ils ont 3 et 5. En double homme, ils ont 4 et 5. En double dame, ils ont 1 et 3. Et en mixte, ils ont 5. C'est dingue le potentiel qu'il y avait. Surtout que ils travaillent là-dessus depuis des années. Nous, on le voit ben, dans beaucoup de sports, a priori, vu le nombre de médailles, mais nous, particulièrement dans le bad parce qu'on le suit. C'était déjà 2 médailles en 2016. On voit qu'il y a un énorme taf qui est fait. Ça remet pas ça en question. Maintenant, ça remet en question beaucoup de choses au niveau de la gestion des émotions, au niveau de la préparation, ça c'est sûr. Même si évidemment les circonstances du Covid atténuent ça, forcément. Mais une médaille. Je sais même pas par où commencer. Peut-être par le simple homme, la plus grosse déception, Kento Momota. Ouais, bah oui, Kento Momota. Mais en fait, Kento Momota, il perd contre un mec qui se fait éliminer par Kevin Cordon. Enfin, il manquait de rythme, ça c'est une certitude. Il manquait de niveau, il manquait tout pour Kento Momota. Et du coup, Tsuneyama, c'est difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Enfin, il fait pas des mauvais JO, mais c'est clairement pas lui qu'on attendait. Après, je sais pas comment tu. Enfin, je sais, tu vas nous. Je vais te laisser en parler un peu, mais globalement, ces JO, c'est que ou quasi que des déceptions côté japonais quand tu vois les rankings que tu viens d'évoquer. Perso, pour moi, on s'attendait. Enfin, je pense que mon minimum, c'était 5 médailles. Ouais, c'était 5 minimum, ouais. C'est vrai que on avait dit en rigolant, Minimum. ça peut faire 5 médailles d'or, tu vois. Bon, j'avais du mal à y croire, Oh surtout oui, en on y mixte. était bien. Mais le reste, ouais. En plus, c'est des déceptions quand tu vois comment Okuhara était lancé, ça s'arrête beaucoup trop tôt. Yamaguchi, elle n'a pas pu faire grand-chose. Endo Watanabe et Kamura Sonoda, tu te dis, c'est leur niveau, en fait, un quart de JO, mais dommage que c'était le moment de faire un exploit, en fait. Après, Fukushima Hirota, elle, où il y avait vraiment des circonstances atténuantes, puisque Fukushima elle est arrivée avec ses blessés. Et Matsumoto Nagahara, quand même aussi, on n'en a pas encore parlé, mais énorme déception de les voir perdre en quart contre Kim Kong, quand même. Bah, clairement, surtout vu le scénario du match et tout, manque de gestion là aussi. Enfin, on va le dire, on va le répéter, mais c'est que des déceptions. j'ai pas grand chose à rajouter sur Matsumoto Nagara, je partage ton avis. En double homme, c'est peut-être là où finalement c'était le plus compliqué, mais pourtant, quand on voit les poules au moins de Endo Watanabe, on s'attend quand même un peu mieux. Bon, après, quand tu regardes le bilan à froid, ils perdent contre Li Wang. Hein, si je dis Endo pas de Watanabe, bêtises, hein. Ouais, ils perdent contre Li Wang. Ouais. À froid, tu te dis, ouais, ok, bon, ils perdent contre les champions olympiques, mais Kamura Sonoda, en poule, contre Liliu, on a bien compris qu'on ne pouvait pas s'attendre non plus à des miracles. Mais deux quarts de finale, moi je suis quand même, bah, globalement en fait je suis déçu. En mixte c'est pareil, c'est pas pareil justement, ils sauvent les jeux parce que cette médaille, quand tu vois le déroulé du tableau finalement, c'est eux, ils ont maximisé la médaille parce que je pense que c'était les meilleurs finalement des autres. Mais on aurait bien aimé que dans d'autres tableaux où pour le coup les Japonais étaient les meilleurs, vraiment, ils aillent chercher des médailles d'or ou au moins d'argent. Ah ouais, non, voir le Japon terminer avec une seule médaille de bronze, c'est dingue. Enfin, je trouve ça fou. Alors qu'ils font deux à Rio. Ouais, en plus, ouais. Je pense que c'est une énorme déception, en tout cas, au Japon. J'aimerais bien savoir comment ça a été vécu là-bas. Ouais, bilan extrêmement décevant. Je sais pas quoi rajouter. Est-ce que tu crois qu'il y a eu un problème mental globalement, ou alors tu crois que c'est une somme de petits trucs qui ont fait que la déception est grande à la fin? Je pense que ça joue, mais le problème mental a été énorme. Surtout pour, tu vois, pour moi, le symbole de ça, c'est vraiment Matsumoto Nagara. Je sais pas si tu partages mon avis là-dessus. Momota mais... aussi, hein, je trouve. Ben, Momota, tu vois, finalement, quand tu vois le niveau de jeu, tu te dis que le mental, c'est pas forcément la plus grosse partie, même si évidemment, oui, il a complètement craqué. Il a craqué dans un deuxième set qu'il doit gagner contre Eo Kwang Yi. Mais pour lui, tu te dis que sur l'ensemble, c'est le niveau de jeu qui a plus pêché que le reste, enfin le rythme, etc. Matsumoto Nagara, en vrai, le niveau de jeu, il a pas pêché. Elle perd 27-25 sur un troisième set face aux médaillés de bronze olympiques. Donc, pour moi, c'était plus mental et c'est. Elle qui reflète vraiment ce... pas loin de cette catastrophe japonaise, quoi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le Japon? Ah bah oui, j'ai envie de les noter et ce sera un 2 sur 10 pour moi. 2 sur 10. Très bien. Ouais. J'avoue que je sais pas trop quoi noter comme note. Donner comme note, mais par rapport au potentiel, je vais mettre 1. Oh, oui, ok. Bah écoute, il y a des profs, ça les a jamais gênés de me mettre un 1, donc je vois pas pourquoi moi ça devrait me déranger. Non mais c'est pas un scandale, hein. Honnêtement, je vois pas comment on peut mettre plus même. La déception est énorme, 2 ou 3, ouais. J'avoue que, bon, il aurait pu avoir 0 médaille, mais au final, le fait qu'il y ait une seule médaille de bronze, pour moi ça ne sauve absolument rien, tant la déception est énorme côté japonais. Hop, parce que je les note en même temps, du coup. Alors, la Malaisie. Benoît, si tu le veux bien, représenté dans les 5 tableaux, Lizidia pour le simple homme, Sonia Shea pour le simple dame, Chiasso pour le double homme, Chou Li pour le double dame et Go-chan pour le double mixte. Qu'est-ce que t'en penses globalement de cette Malaisie édition 2021? Que ça aurait pu faire 0 médaille. Il y en avait eu 3 en 2016, ce qui était leur maximum depuis l'entrée des Jeux au JO en 88. 92. C'est 92, t'es sûr? Ouais, bah après. Légion... Non, enfin après, il y avait l'édition démonstration en 88. Ah ouais, ok. Autant pour moi. Je compte pas, pardon. Bah, ils avaient fait 0 médaille, donc ça règle le problème. Honnêtement, ils font une médaille et c'est déjà énorme. Voilà ce que j'en dis. Chiasso, ça tape quand même les numéros 1 et les numéros 2 mondiaux pour aller chercher une médaille. Ouais. Et ça perd. Ça perd contre contre Liliu, ouais. Voilà, je pense que pour le coup en double homme c'est un peu pareil, il y avait Liliu, Li Wang et les autres sur ce qu'on a vu sur la semaine. En simple dame, Sonia Chea, on attendait un huitième de finale et voilà. Je sais pas ce que t'attendais de plus sur peut-être sur Chango, on pouvait légitimement espérer un peu mieux. C'est peut-être la seule chose. Ouais, je pense que c'est eux la déception et je pense que ça a été vécu comme ça. Je pense que ça a été vécu comme ça là-bas parce que bah t'as quand même les médaillés de d'argent en titre. Alors tu t'attends pas forcément à ce qu'ils fassent médaille, mais au moins qu'ils passent les poules. Là, le fait qu'ils sortent pas de poules, je pense que ça sonne un peu comme le début de la fin pour Chango malheureusement et ouais. Elle était porte-drapeau avec Lydia, non, c'est pas ça? Si, c'est ça, ouais, en plus. Et ouais. Ouais, Go Liu Ying qui était porte-drapeau et ouais, moi si tu m'avais demandé avant qui ferait une médaille, j'aurais plus parié sur Lydia côté malaisien. Bah ouais, comme beaucoup je pense. Et en fait, j'ai l'impression qu'il a été très bon et que il aurait pu poser des problèmes à Victor Axelsen, tu vois, lui contrairement à d'autres. Ouais, peut-être. Alors, avec son insouciance. Voilà. Ouais. Mais il est tombé sur un mec qui maîtrise. Voilà. Qui est un. Ouais, et pour le coup. La... C'est compliqué. Hein. Ouais, et la chute est rude, hein, parce qu'il prend quand même 21-5 au troisième set. Je pense qu'il l'avait mauvaise après le match, Lizidia, parce qu'il a pris une leçon de gestion de match sur ce huitième. Ouais. C'est un métronome, Chen Long. On le sait. Il nous l'a rappelé gentiment. Mais je pense qu'il est tombé contre le pire joueur en vrai. Ouais, pour lui, en tout cas, lui, oui. C'était clairement le pire, je pense. Je pense que contre Axelsen, je dis pas qu'il l'aurait battu, évidemment pas, très loin de là. Mais je pense que ça aurait été moins compliqué comme match. Au moins dans le contenu. Et c'est vrai que moi aussi, je m'attendais à une médaille de sa part. Enfin, une médaille. Je pensais que c'était la seule chance de médaille de la Malaisie. Et je reste quand même persuadé que c'est l'avenir de la Malaisie, tout tableau confondu. Mais c'est vrai que c'est un peu décevant. Et en même temps, il a perdu contre plus fort que lui ce jour-là, quoi. Alors, quel bilan ? Moi, je vais mettre 7 comme note pour la Malaisie. Écoute, c'est la même note pour moi. Et ben voilà, 7. On est globalement d'accord depuis le début, mais là, c'est la même note. Je pense que voilà, une médaille, c'est le maximum de ce qu'on pouvait attendre. Et elle vient pas forcément là où on l'attendait, au terme d'une semaine incroyable pour eux. Je pense que la Malaisie aussi est en pleine transition sur plein de tableaux. Voilà, je pense que c'est quand même une belle médaille. Alors, il nous reste deux pays à noter, mais avant cela, est-ce que tu veux dire un mot de quelqu'un du côté des Pays-Bas ? On va pas noter globalement, mais est-ce que Marc Kallio ou alors Pik Zijnen, t'as envie d'en dire un mot ? Derrière le Danemark, est-ce que c'est pas eux qui font les plus beaux JO finalement ? En Europe, tu veux dire ? Ouais. Ouais. Honnêtement, ça, on peut légitimement se poser la question, je pense, parce que Kallio, la grosse déception, c'est peut-être qu'il passe pas ce huitième de finale. Ouais, contre Kevin Cordon, il y avait la place. Hein. Ouais, et bien sûr qu'il y avait la place. Évidemment, même si Kevin Cordon fait la semaine de sa vie, il y avait la place quand tu vois le match, en tout cas. Pik Zijnen, c'est pareil, ça va en huitième de en quart de finale, pardon. Et ça fait des super JO, donc honnêtement, les Pays-Bas... Ouais, mention bien, voire mention très bien sur ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ne pouvaient pas faire plus, et ils pouvaient faire beaucoup moins, par contre. Je suis d'accord avec tout ce que tu vas dire, tout ce que tu as dit, par contre, pardon, donc on va enchaîner avec la Corée du Sud. Alors, en simple homme, il y avait Eo Kwang-gi, donc le tombeur de Momota. En simple dame, il y avait Kim Ga-eun et Han Se-young, il y avait deux joueuses. Choi Se-ho pour le double homme, Lee Shin et Kim Kong pour le double dame. Et Seo Chae pour le double mixte. Et le bilan, il est simple, c'est une médaille pour la Corée du Sud qui est en bronze. C'est celle de Kim Kong en double dame. Par quoi tu veux commencer ? Là aussi, il y a pas mal de choses à dire, la Corée du Sud, je trouve. Ouais, déjà, Corée du Sud, ça fait 3 éditions qui font une seule médaille, alors qu'avant, on était plus sur 5-4-4, 1-4-3. Donc, on voit qu'il y a un vrai déclin au niveau mondial. Même si je pense qu'on pouvait s'attendre à mieux sur cette édition. Il n'y avait pas de favoris, à part en double dame peut-être, mais sinon, c'était globalement que des outsiders à un titre ou même à un podium. Mais je trouve que la médaille, elle est venue d'une paire de celles qu'on attendait le moins des 3 tableaux confondus de double. En simple, je sais pas ce que t'en penses. Simple homme, on n'attendait absolument rien et déjà il fait un quart de finale olympique. Il fait un quart de finale, il bat le grand favori. C'est ça, donc c'est déjà pas mal. Même si évidemment on aurait pu espérer contre Kevin Cordon un peu mieux. Et là, le regret peut-être qu'il vienne d'un Sejong, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, bah ouais, clairement. Hein. Moi, bon, moi après, je dis ça, regret, mais je oui. disais qu'elle allait pas passer les huitièmes. Mais au final, bon, après, quand tu vois le parcours de Chen Yufei, qui fait quand même une sacrée semaine, est-ce qu'il y a quelque chose à regretter quand tu considères que Han Sejong, elle a que 19 ans? Je crois qu'elle a été un petit peu blessée contre Chen Yufei, si j'ai bien lu dans la presse Si ton disait. Si mais... ton coréen est encore bon. Oui, exactement. On sait que j'ai l'occasion de le tester tous les ans aux IFB, donc voilà. Non, mais ouais, c'est difficile de le reprocher. Elle perd contre la championne olympique, de toute façon. Bah donc. Voilà, donc c'était à partir du moment où il y avait ce tirage-là, on savait que ça allait être très compliqué pour elle, quoi. Mm. Oui, bien sûr. Et en plus, ce qui est particulier avec Han Sejong, c'est que si elle l'a battait, après, il n'y avait aucun scandale à ce qu'elle soit championne olympique, en fait. C'est ça qui est un peu fou, c'est que là, elle passe pas l'écart, mais elle aurait pu finir à n'importe quelle médaille parce qu'elle est capable de se mettre à ce niveau-là, en fait. Ouais, c'est ça qui est assez fou avec elle, et je pense qu'on aura l'occasion de la revoir. Et en vrai, Paris 2024, attention très très fort à Han Sejong. Qui, même si elle a le niveau qu'elle a aujourd'hui, et j'imagine qu'elle peut progresser encore... ce sera une vraie prétendante à la médaille parce que toutes les joueuses dont on parle là, genre Tide Swing et tout, c'est quand même des joueuses qui sont plus toutes jeunes et dans 3 ans ça va approcher la trentaine, donc attention à Han Sejong. Ouais. Ouais, donc ça c'était pour les simples, on mentionne pas Kim Gaon qui est sortie de poule mais a perdu contre Yamaguchi en 8ème, du coup je la mentionne. La déception finalement, c'est Seo dans ces deux tableaux, ouais. C'est lui la grosse déception coréenne de ces jeux. Ouais, et en même temps, j'ai envie de te dire qu'on l'a très vite vu parce qu'il me semble que dans le premier live, on en parle et on se dit que dans les deux tableaux, c'est lui qui est pas forcément au niveau, contrairement à ses partenaires. Alors, quand je dis pas au niveau, c'est pas qu'il est catastrophique, que ce soit dans le niveau ou dans l'attitude, mais on sent qu'il est pas au maximum de ce qu'il a pu montrer. Et ça a été confirmé parce que il suffit de regarder les résultats qu'il fait en mixte ou en double homme. Il sort pas de poule en double homme, il perd en quart en mixte, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Il sort pas de poule en double homme et il perd en quart en mixte, ouais, c'est ça. Donc quand même globalement très décevant parce que pour moi c'était un prétendant au podium sur les deux tableaux, donc ouais, moi j'ai été déçu par les jeux de CO. Moi aussi, je crois que quand on a fait nos prédictions, je l'avais mis deux fois médaille de bronze, ouais. Il me semble. Donc ouais, grosse déception aussi. Bon, en mixte, il prend les futurs champions olympiques dès l'écart, mais après dès les poules, il a... Tu vois, il les prend dès l'écart, mais il pouvait se les éviter en finissant premier aussi, tu vois. Donc bon, ouais. Le tirage était quand même très compliqué parce que tu prends Zheng Wang en poule et après tu te prends Wang Wang en quart. Mais le fait que de ne pas passer les poules en double homme, ouais, c'est décevant. Mais après, là aussi, il perd contre Chiasso qui font une semaine de malade, tu vois. Donc ouais. J'attendais quand même beaucoup mieux et globalement la Corée bah voilà, mais c'est vrai que c'est quand même décevant quand tu vois que ils ont en termes de paires top 8 bah ils en ont 4 sur les 3 tableaux, tu te dis ça aurait pu faire mieux qu'une seule médaille de bronze quand même. Ouais, et pour revenir sur Seo juste 2 secondes, je trouve qu'on l'a compris assez vite que ouais, en plus, il pourrait ouais. rien faire de plus. On a été déçu par Lee Shin aussi. Clairement, parce que pour moi, Lee Shin, ça doit faire finale olympique. Voilà, il y a une médaille et c'est même pas elle. Punaise, quand même. Enfin, quand tu vois... leur match pour la troisième place, on a bien senti que c'est pas ce qu'elle était venue chercher et qu'il y avait une grosse déception, mais... Ah, cette seule médaille, c'est quand même frustrant quand on voit le potentiel en double, en tout cas, de la Corée. Alors, quelle note, Benoît, pour la Corée du Sud sur ces JO? Eh bien, ce sera un 3,5 pour la Corée. Je pense que ben, il ne mérite pas plus parce que même Han Sejong aurait pu aller chercher une médaille. Il n'y avait pas scandale. Pour moi, il y avait un potentiel de au moins 2 ou 3 médailles. On n'en a qu'une et c'est la paire qu'on attendait le moins. Donc, ce 3,5, je trouve qu'il est, il est assez logique. Ouais, moi, je vais mettre 4 parce que Eo Kwang-hi allait chercher Momota. Mais c'est un match finalement qui ne donne sur rien puisqu'il ne fait, il fait pas grand-chose derrière, quoi. Mais bon, 4 ouais. pour ça quand même. Derrière, et puis parce que quand même, Lee Shin, elles finissent à la pire place, il n'y a pas de médaille, mais elles font quand même 4e et oui. elles vont quand même en demi. Le dernier pays qu'on va noter, c'est la Thaïlande. Wang Charoen pour le simple homme, Ratchanok Intanon pour le simple dame, et Ombang Rumphan, pardon, pour le simple dame aussi. pas de double homme. Kitira Karul Prajongjai pour le double dame et Poivarano Krotair Atanachai pour le double mixte. Qu'est-ce que tu penses de la Thaïlande, Benoît? C'est compliqué. J'ai pas sous les yeux, je l'ai même pas noté. Il n'y a pas de médaille olympique pour la Thaïlande en badminton, jamais? En tout cas, j'ai pas de joueur ou joueuse qui a pu en avoir par le passé, donc je ne pense pas. Ouais, parce que je l'avais pas noté, donc il me semble qu'il n'y en a pas du tout. C'est un peu décevant, peut-être, parce que je pense qu'il y avait au moins minimum une médaille à aller chercher. Ratchano Quintanon, c'était compliqué, on le savait. On le savait que ce serait dur. Surtout avec le tirage. Quand t'as tight swing dès l'écart, compliqué, quoi. On se doutait que ce serait dur, mais quand même, je suis un peu déçu par le mixte, même beaucoup déçu. Même si peut-être qu'on l'a compris pareil vite, au moins vite, après le match contre Ellie Smith. Mais quand même, la Thaïlande, c'était peut-être une des meilleures chances de médaille qu'ils aient jamais eu, là, au moins sur les 3-4 dernières Olympiades. Je suis d'accord. Il faudra voir si le train va repasser, je sais pas quand il repassera après Intanon à que 26, Ongbang Rumphan 25, il y a des joueurs et des joueuses. Wang Charwen, il est jeune. Ouais, Wang Charwen, et j'ai un trou, j'oublie le nom du triple champion du monde junior, tu vas m'aider, Benoît? Vititsarn, Kun Lanvut Vititsarn. Vititsarn, merci Benoît. Donc lui, je pense qu'il aura des gros espoirs sur ses épaules, et c'est Wang Charwen qui aura la pression, parce que on verra qui ira à Paris. Mais la chance de médaille, pour une fois, c'était pas vraiment une Tanon. La plus grande, c'était quand même Poivarano Krotair Atanachai, qui mine de rien était deuxième mondial au moment de ces Jeux. Donc De jeu aussi. Ils étaient légitimes prétendant à un podium, parce qu'il n'y avait pas que la place mondiale, tu vois. Oui, je suis d'accord. Mais oui, il y a la place et il y a le niveau récent qui était très haut. Le problème, c'est qu'ils ont pris le retour des... Enfin, ils n'ont pas pris le retour des Chinois parce qu'ils n'ont pas affronté les Chinois. Mais c'est vrai que du coup, même avec le retour des Chinois, quand tu perds avant et que tu perds contre Watanabe Higashino, qui je pense en plus était prenable parce qu'ils n'ont pas non plus survolé la compète de mixte, les Japonais... C'est vrai que c'est décevant, mais je suis d'accord avec toi, on a vu dès le match contre... Autant ils ont fait un super match contre les Français, autant un super match pour leur capacité, c'était un bon match, quoi. Autant c'est vrai que la déception, elle est vraiment... déjà, quand ils perdent contre Ellie Smith, ils auraient pu, en gagnant ce match, s'assurer déjà un quart beaucoup plus tranquille, en fait. Ils se sont mis en difficulté tout seuls. C'est exactement ça. Ils s'y sont mis tout seuls, parce que Ellie Smith, s'il gagne ce match... On va pas refaire l'histoire du tirage, mais dans le tirage qui a été fait, c'était Tang Tse. C'était quasi une demi-finale presque assurée, donc un match au moins pour la médaille derrière, dans tous les cas. Au pire des cas, le bronze, au mieux l'or ou l'argent. Mais ils s'y sont mis tout seuls en perdant ce match contre Ellie Smith, et t'as raison de le dire, ils prennent Watanabe Higashino, alors certes qu'ils font médaille, mais on l'a dit, c'était les meilleurs des autres. Il y avait la place de passer, ils évitent les deux paires chinoises qui terminent première de poule alors qu'ils auraient pu les prendre. En vrai, il y a la place de battre les Japonais et ils font un match pas ouf du tout. Très décevant quand même leur JO, moi je trouve. Alors, le bilan pour la Thaïlande, quel est-il selon toi? Pour moi, c'est un 3. Ça peut paraître dur, mais en vrai, Wang Charwen a été quand même très décevant, même si on en a pas beaucoup parlé. Depuis Orléans, où on a eu l'occasion de le voir jouer, on se disait bon, il était là, il n'avait pas besoin d'y être, il était déjà au jeu et tout, mais en fait, j'ai l'impression qu'il plafonne un peu, et lui aussi, on attendait au moins qu'il sorte de poule, et potentiellement qu'il embête en sortie de poule en 8ème un gros joueur, ça n'a pas été le cas. Très déçu, à part par Intanon qui a assumé son rôle, j'ai envie de te dire, le reste, très déçu par la Thaïlande. Ouais, je vais mettre 4,5 parce que moi j'y croyais peut-être moins. Le fait qu'ils aient jamais gagné de médaille, ça joue aussi, je pense. Mais c'est vrai que c'était le moment en fait. T'as l'impression que c'était le moment, mais le problème c'est que à chaque fois ils perdent jamais contre des. À part Wang Charwen qui devait vraiment le gagner ce match contre Penty, mais je pense pas qu'il y aurait eu de tour passé encore après contre Anton Sen. Mais Intanon qui fait vraiment... En fait, c'est Intanon qui sauve un peu le bilan, parce que même s'il n'y a pas de médaille, contre Tight Swing, elle fait vraiment son match. Et après, Poivarano Crota et Ratanachai, ouais, bon, ils prennent quand même un set à Watanabe Higashino avant de s'éteindre un peu. On n'a pas parlé du double dame, qui prend une énorme tôle au début et qui après relève un peu la tête, mais qui finalement finit dernière de son groupe, et elles ont même pas battu les Stoeva, qui était la paire la plus prenable, quoi. Oui, après, c'était pas non plus, enfin, on n'attendait pas non plus à ce qu'elles sortent de poule. Je crois que je les avais pas mis sortantes de poule, donc, c'est plus la manière, quoi, qui est dommage, dernière de cette poule, alors que je pense qu'elles avaient le potentiel pour faire un peu mieux. C'est globalement décevant, en fait, partout. Alors, du coup, là, j'ai noté un peu ce qu'on a, nos notes. Donc, les bons élèves, en faisant la moyenne entre nous deux, on a Taïwan premier avec 8,25. Ensuite, on a la Chine avec 7,25. Et derrière, la Malaisie 7. Et après, le Danemark 6,75. Et les mauvais élèves, la pire note, c'est le Japon, 1,5. Ensuite, ça doit être la Thaïlande avec un 3,75. Et la France avec 4,5. Juste, ouais, on s'est noté, on a été noté encore pire que l'Indonésie. Alors, Benoît, avant de conclure, si je te devais te demander, on l'avait pas prévu, donc j'ai demandé de me sortir comme ça, une note pour ces JO globalement, je te parle du niveau de jeu, des surprises, des émotions que ça t'a fait ressentir. Évidemment, tu vas comparer ça avec les Olympiades précédentes que t'as pu suivre. Qu'est-ce que t'en as pensé globalement? Et si tu devais les noter sur 10, qu'est-ce que ce serait? Ce serait un 8, un 8,5, allez même, un 8,5 parce que... C'est un peu difficile de dire parce que j'ai regardé tellement de sport pendant 2 semaines qu'il n'y a pas eu que le bad. Mais en se concentrant sur le bad, juste, il y a eu quand même, il y a tout eu en fait pendant ces jeux. Je vais parler de juste deux éléments qui vont argumenter ma note. Mais il y a eu cette médaille d'or de Li Wang en double homme qui pour moi est pas loin d'être le plus grand moment de ces jeux avec celle de Polly Rahayu. Je pense que ça a largement contribué. Et puis il y a aussi cette histoire incroyable de Kevin Cordon qui joue un match pour la médaille aux Jeux Olympiques. Il y a eu des émotions, il y a eu des surprises, il y a eu Axel Sen, il y a eu tellement de choses dans ces jeux, honnêtement, il y en a eu pour tout le monde en fait. Des déceptions aussi, parce que ça fait partie des jeux. C'est vrai. C'est vrai qu'on aurait pu prendre plus de temps de les noter. L'émotion, la note aurait été très haute. Moi, par contre, je suis un peu déçu du niveau de jeu. Ouais. Le niveau de jeu, je l'attendais plus haut dans pas mal de tableaux. On a eu de l'émotion au final en fonction de qui a gagné. Mais on a eu peu de matchs. Typiquement, le mixte, je pense que c'est la plus grosse déception. On n'a pas eu de scénario de fou. Je crois que le plus gros scénario qu'on ait eu et le plus gros match en termes de niveau de jeu et d'émotion, c'est la finale, en fait. Mais oui. Sinon, je trouve que j'ai été un peu déçu des matchs d'avant, alors que le mixte, c'est vraiment le tableau qui nous avait régalé récemment. Peut-être parce que les Chinois sont trop forts pour les autres aussi et que quand ils sont là, il n'y a pas de match de fou, à part quand c'est entre eux. Voilà, je pense que le tableau que j'attendais le moins et qui m'a le plus régalé, c'est le double dame. Et notamment pour les Rahayu, j'ai adoré suivre tout leur parcours et je pense que c'est sans doute la médaille d'or qui me fait le plus plaisir des 5. Ouais, ouais, et du coup, juste, tu mettrais quelle note? Parce que c'est vrai que moi j'ai parlé d'émotion, mais. Je mettrais 7, parce que 7, l'émotion est pareille. D'ailleurs, Polly Rahayu, juste, ça n'a pas trop de rapport, mais j'ai lu que ce qu'elles allaient gagner avec cette médaille d'or, c'est ouf. Déjà, elles vont se faire, je sais plus, des dizaines de milliers d'euros chacun, mais en plus, j'ai vu qu'en Indonésie, il y a plein de gens, des commerçants et tout, qui vont leur offrir des trucs, genre, elles vont gagner 5 vaches, elles vont gagner du terrain pour construire. C'est incroyable. Pour construire ce qu'elles veulent en fonction des provinces d'où elles viennent et tout. Je crois qu'elles ont des. J'ai vu qu'il y avait une enseigne qui allait leur faire des cafés gratuits à vie pour leur titre. On se rend pas compte de ce que c'est la place du bad en Indonésie. Ouais. Ce serait un bon sujet de podcast à part parce que c'est assez fou et c'est aussi pour ça que c'est la médaille qui me fait le plus plaisir. Oui, non, mais juste pour revenir sur ta note, je comprends totalement. C'est vrai que le niveau de jeu, on peut être un peu déçu et je pense que j'aurais peut-être mis 10, tu vois, s'il y avait eu un niveau de jeu incroyable, mais c'est vrai que. Pour moi, les JO, c'est aussi de l'émotion. En vrai, le reste de l'année, t'attends moins l'émotion et t'espères plus le niveau de jeu. Au JO, t'espères un combo des deux, mais l'émotion, c'est quand même ce qui prime. Enfin, en tout cas, pour moi, et j'ai eu cette émotion. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je mets une note aussi haute, peut-être. Je comprends totalement. Et d'ailleurs, même 7 et 8, ça reste des bonnes notes. Et globalement, oui, si vous avez écouté nos débriefs et nos lives, vous avez vu qu'on a bien kiffé ces jeux. Et c'est d'autant plus cool. Genre, si on nous avait dit qu'on mettrait 7 et 8 à ces jeux avant, alors qu'on le rappelle, les athlètes étaient en quarantaine et qu'il n'y avait pas de public, surtout, on ne pourra jamais le dire assez, il n'y avait pas de public. Je trouve que ça a, entre guillemets, limité la casse. Et on en a quand même, on va dire, eu pour notre argent avec ces JO si spéciaux qui ont quand même rempli leur rôle, t'as dit, pourvoyeur d'émotions et d'images fortes, quoi. Ouais, ben voilà, je pense que ça conclut pas mal cet épisode. C'est vrai que c'était des conditions particulières dans tous les sports, au BAD aussi, évidemment. Et du coup, voilà, faut mettre ça en perspective. Ce sera des JO uniques dans l'histoire, je l'espère. J'imagine qu'à Paris 2024, j'espère même... qu'on y soit ou pas, qu'il y ait du public, et ça changera beaucoup de choses aussi, parce que l'ambiance dans une salle de bad, en vrai, ça ajoute encore un truc de plus. Donc c'est vrai que je pense que même pour les athlètes, c'était pas forcément agréable. Eh ben, merci Benoît d'avoir fait cet épisode, et aussi tous ceux qui ont suivi, puisque du coup c'est un peu notre fin de série sur les JO. On a fait des previews, on a fait des lives tous les jours, on est notamment allé chez le streamer Rivenzy au tout début de jeu, donc c'est là un peu une page qui se tourne pour en tout cas notre podcast. Donc bah, merci d'avoir fait tout ça avec moi, c'était très très cool. Qu'est-ce qu'on a vécu comme émotion, c'était assez dingue. Ouais, bah écoute, merci à toi, c'est fou en vrai. Il y a un an, on espérait... pas le vivre. Normalement, on a lancé le podcast, les JO étaient passés. On a eu la chance de vivre nos premiers jeux, voilà, chez 21 Shuttle. Et merci à vous aussi, parce qu'en vrai, c'est aussi grâce à vous, il faut le dire. On le dit pas forcément assez souvent, mais voilà, c'est parce que vous écoutez, vous regardez qu'on a fait tout ça aussi. Donc, c'est important de vous remercier. C'est vrai, tu fais bien de le faire. Bah, merci à vous de nous avoir écoutés, que ce soit dès le début. Voilà, on peut remercier aussi Marius et Anne d'être venus bien faire sûr des previews avec nous. Ça paraît il y a tellement longtemps maintenant, mais pour faire ces previews du Simple Dame et Simple Homme. Maintenant, on continue, nous, hein, de toute façon, des épisodes tous les lundis. Vous ne vous inquiétez pas, mais là, on va ressortir des sujets plus classiques pour ceux qui vont suivre. Et après, le calendrier va recommencer. L'énorme échéance qui arrive maintenant, c'est les mondiaux de Huelva en décembre, mais entre les deux, il y aura des trucs de dingue, dont Thomas Huber Cup notamment. Il y aura une Sudirman Cup aussi, il y aura un China Open qui va arriver bientôt aussi. Donc restez avec nous pour tout ça, ça va encore être assez fou. Donc on se retrouve lundi prochain, et sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine.绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头。我们的梦握在手中，绝不等候。青绿之平凡。